Je vous souhaite un très bel après-midi. Il se poursuit là tout de suite et jusqu'à 14h avec Histoire Vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire Vivante. Cairn, c'est pas du tout un acronyme. Un cairn, qui était un cairn, donc vous savez, des monticules de pierre qui sont destinés à baliser les chemins de montagne. Un cairn, on ne le fait pas pour soi. Le principal destinataire, le principal bénéficiaire n'est pas celui qui le fait, mais celui qui va suivre. Cette semaine, une histoire de portail. Et donc nous, notre vocation en tant qu'éditeur de sciences humaines, c'est des passeurs d'idées nouvelles, de faire connaître des réalités. Il y a tout un monde de la recherche qu'il faut faire connaître au public spécialisé, mais aussi au grand public. Et on s'est dit, peut-être qu'il peut y avoir des solutions du côté du numérique. Aucun des auteurs, en tout cas, ou très peu, vraiment très très peu, ne s'oppose à la mise en ligne de leurs travaux, en disant, a priori, c'est une bonne nouvelle. Même type d'accueil chez les bibliothèques qui nous disent, enfin une offre de langue française au format numérique pour des revues qui sont importantes. De l'édition. Mais dans le futur, ce qui est certain, c'est que il y aura des pôles thématiques qui répondent à des besoins vraiment de recherche assez précis, je pense. À la diffusion. Le Japon est un cas d'étude assez intéressant puisque on comptabilise aujourd'hui une vingtaine d'universités japonaises ayant souscrit à une licence d'accès à la collection de revues sur Cairninfo. Comment faire circuler la recherche? Quatrième journée passée dans les locaux du portail Cairn Info, spécialisé dans les sciences humaines, où sont présentes quelques 500 revues, une aventure qui a débuté il y a une quinzaine d'années, à l'initiative de Marc Minon, de François Gèze, que nous avons entendu au cours des émissions précédentes. Aujourd'hui, il sera question d'avenir, de futur et également de Cairn International, en compagnie entre autres de son jeune responsable, Jérémy Roche, qui nous parle de son parcours et de son arrivée au portail Cairn. Mon parcours, à l'université, je m'intéressais aux sciences humaines et à la science politique. Déjà enfant, adolescent ou jeune adulte, oui. Adolescent. Mais oui, la littérature, la lecture, effectivement quelque chose qui m'a toujours intéressé. C'est pour ça que... Le livre est un ami. Oui. Et donc, j'avais l'opportunité de faire des études un peu à l'anglo-saxonne, donc les arts libéraux, où on se compose son programme un peu à la carte, avec la possibilité de choisir pour un semestre des cours en philosophie, en sciences politiques, pour le semestre suivant des cours en littérature et en économie. Donc, c'est un parcours que je me suis constitué un peu au fur et à mesure. Et au bout de mes 3 ans d'études, je me suis rendu compte que j'avais un diplôme en sciences humaines et sciences politiques. Jérémy Roche, on a un petit peu parlé avant l'ouverture de ce micro. Racontez-nous votre arrivée à Cairn. Ce n'est pas peut-être dévoiler un secret défense que de dire que votre parcours à vous, c'est un parcours original parce qu'il passe par quantité de pays. Or, vous allez vous occuper, vous, ici, de quelque chose qui porte un nom qui s'appelle l'international. Mmh. Est-ce que vous pourriez dire qu'il y a quand même une certaine cohérence, une certaine logique entre ce parcours que vous avez pu avoir, qui passe par de nombreux pays, et puis le fait que vous soyez aujourd'hui à l'international? Vous êtes né où ça déjà? En France, mais j'ai passé l'essentiel de mon enfance et de mon adolescence en Nouvelle-Calédonie. Oui. Nouvelle-Calédonie, et puis après vous avez... partir en Inde pendant 2 ans, et ensuite d'aller aux Pays-Bas pour mes études supérieures, avec un petit crochet par la Norvège dans le cadre du programme Erasmus. Jérémy Roche, racontez-nous votre arrivée à Cairn. Par quel hasard, dans quelles circonstances vous rencontrez ça et quels sont les premiers échanges? Je suis en France maintenant depuis une dizaine d'années, toujours travaillé dans le monde de l'édition universitaire, et Cairn en France est une plateforme incontournable. Donc vous connaissiez l'existence? Non, je connaissais absolument l'existence. Au hasard de salons professionnels, de forums, de discussions, j'ai rencontré plusieurs personnes de l'équipe de Cairn. On a pu, je me souviens pas exactement, mais on a dû évoquer un moment nos parcours respectifs. Et mon arrivée chez Cairn correspond aussi au lancement de l'édition internationale de Cairn, donc une plateforme anglophone qui contient des traductions de sélection d'articles de revues diffusés sur Cairn en langue anglaise. L'objectif étant d'améliorer la visibilité, d'améliorer l'utilisation des publications diffusées sur Cairn dans des contextes non francophones. Et je pense qu'à ce moment-là, mon nom est peut-être venu à l'esprit des personnes chez Cairn en disant que ça pourrait convenir comme le profil de Jérémy pourrait convenir à ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire d'améliorer la diffusion et d'améliorer la commercialisation de la plateforme dans des zones non francophones. Et là, pour le coup, on parle vraiment du monde entier. Hein. Le monde non francophone est très vaste. Ce n'est donc pas vous qui faites la démarche, on vient vers vous ? Oui. Ouais. Et comment on vous présente ça ? Hein ? On veut grandir, on veut s'internationaliser. On cherche quelqu'un pour s'occuper de cette partie de nos activités. Seriez-vous des nôtres ? Hein ? Seriez-vous des nôtres ? J'ai pas eu à réfléchir très longtemps. Pour moi, quand on c'était clairement une proposition très très très intéressante. Oui, mais je vous rétorque ce degré d'ambition quand ça vous tombe sur les épaules, pour peu que ça n'ait pas été ce qui est le cas, votre projet personnel, c'est tout d'un coup, ça peut être perçu comme une charge immense, une énorme responsabilité. Maintenant que je vous en fais prendre conscience. Exactement. La responsabilité, non, les choses. Après, vous savez, on essaye de faire les choses en bonne intelligence et avec. En essayant d'avancer quand même en prenant un peu de recul, mais avec aussi les moyens de se donner des moyens de réussir. Donc, oui, la responsabilité est importante, le challenge et le défi est important. On se donne les moyens de réussir et je pense que mon poste s'imbrique aussi avec d'autres projets chez Cairn, notamment le projet de diffusion de certaines sélections de contenus en langue anglaise, la possibilité de former des partenariats avec des distributeurs un peu partout dans le monde. On m'a donné une grande liberté dans mes actions. Alors, au quotidien, vous arrivez comme ça à je ne sais quelle heure, certainement assez tôt. Qu'est-ce que c'est qu'une journée de Jérémy ici ? Si je devais résumer une grande partie de ma tâche, c'est de m'assurer que les informations au sujet des contenus proposés sur Cairn, les informations commerciales, les informations de licence, comment on peut accéder à ce contenu, sont dans les mains des bonnes personnes. Ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire s'assurer que les personnes qui cherchent à contacter Cairn, les bibliothèques universitaires, les chercheurs francophones, les professeurs francophones qui cherchent à nous contacter, qu'on leur réponde de façon claire et qu'on leur réponde en temps et en heure. Après, il y a une grande partie de notre activité, de notre commercialisation qui passe par des associations d'universités, des associations de bibliothèques universitaires. Donc il y a aussi une partie de mes responsabilités qui est de s'assurer que ces associations professionnelles communiquent bien à leurs membres, communiquent bien aux institutions les informations concernant l'offre proposée sur notre plateforme. Donc il y a une partie communication avec, d'une certaine manière, des relais intermédiaires, des associations professionnelles, des distributeurs, des bibliothèques universitaires. Il y a une partie aussi de contact avec les lecteurs, avec les utilisateurs finaux de la plateforme, donc par aussi le biais d'animation, de réseaux de discussion, d'organisation de colloques, d'organisation de séminaires, de conférences où on va être amené à rencontrer ces gens. Donc ça peut passer par plein de contacts différents. L'essentiel se fait évidemment par email et par téléphone hein, quand on est dans la commercialisation. Vous n'avez pas votre jet privé. Pas encore. Voilà. Même si on essaye, on se rend compte que pour être sur place. Être sur place est quelque chose de très efficace. Donc on commence à prendre nos marques dans les salons, dans les colloques internationaux. En l'espace d'un an, on peut être amené à aller en Australie, au Japon, en Allemagne, en Espagne, au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Juste un petit point de clarification, Jérémy Roche. Cairn International, c'est internationaliser la francophonie ou est-ce que c'est inclure, intégrer à cet espace-là des écrits non francophones ? Alors, quand on parle de l'édition internationale de Cairn, vous avez bien compris, il s'agit de diffuser la pensée francophone par le biais de l'anglais, puisque c'est simplement une réalité, même si le nombre de francophones dans le monde est en croissance, dans le monde universitaire, dans le monde de la recherche à l'échelle globale, le français n'est pas une langue fréquemment maîtrisée. dans tous les pays où nous sommes présents, on retrouve des communautés de francophones. Mais dans les institutions comme les universités ou les centres de recherche, ces communautés sont souvent minoritaires. À l'exception, évidemment, de quand on va parler à des historiens spécialistes du 18e, du 19e siècle, spécialistes de la Révolution française, là, on est sur des communautés qui sont très largement francophones, puisque pour pouvoir consulter des matières premières, pour pouvoir consulter des écrits, il faut maîtriser la langue. Mais quand même, on se rend compte que passer par l'anglais permet d'élargir le lectorat potentiel des revues diffusées sur Cairn. Et c'est quelque chose qu'on remarque depuis le lancement de cette plateforme en langue anglaise. On remarque dans les faits ce cas d'usage que nous on avait imaginé, où des gens auraient peut-être une certaine connaissance des revues de sciences humaines et sociales françaises, ou maîtriseraient un petit peu le français, ou chercheraient à savoir pour un sujet précis ce que disent les chercheurs francophones. On se rend compte qu'il y a toute une partie des usagers de l'édition internationale de Cairn en langue anglaise qui finit par arriver sur la plateforme en langue française. Thierry Méroche, vous parliez de nombreux voyages à venir et que la présence et la rencontre individuelle vaut mieux que 1000 mails. Or, vous revenez justement précisément il y a peu du Japon. On vous prend quasiment au pied du tarmac. Qui avez-vous fait? Et comment ça s'est passé? Le Japon est un cas d'étude assez intéressant, puisque on comptabilise aujourd'hui une vingtaine d'universités japonaises ayant souscrit à une licence d'accès à la collection de revues sur Cairn Info. Ça me paraît énorme. Nous aussi. Et nous aussi. Bon, vous m'assurez. Puisque, pour vous donner un ordre d'idée, dans un pays comme le Royaume-Uni, on va aussi être autour d'une vingtaine d'universités ayant souscrit à une licence d'abonnement sur Cairn Info. Perfide Albion. ce voyage d'études était en fait, la raison était presque égoïste, puisqu'on voulait nous comprendre en fait d'où vient cet engouement pour les revues francophones sur Cairn Info au Japon. Donc la façon dont on a abordé la question, c'était par le biais de l'organisation d'un colloque hébergé par la maison franco-japonaise à Tokyo, où nous avions invité des acteurs du monde des sciences humaines et sociales, des relations universitaires francophones au Japon. Donc on a rassemblé aussi bien des représentants de l'ambassade de France à Tokyo que des personnes de la maison franco-japonaise qui ont parlé d'une revue qui est éditée par la maison franco-japonaise, qui est une revue francophone d'études japonaises, mais aussi des chercheurs, des professeurs, soit de français, soit des professeurs francophones, qui ont par exemple réalisé une partie de leurs études ou des travaux de recherche au français et qui enseignent aujourd'hui au Japon. Et on a un peu essayé de comprendre pourquoi, par leur retour d'expérience, comprendre pourquoi est-ce qu'un sociologue japonais viendrait en France pour faire ses recherches. Pourquoi est-ce qu'un historien japonais viendrait consulter des revues en langue française sur une plateforme comme Cairn Info. Cette semaine, une histoire de portail. Aujourd'hui, entretien avec Jérémy Roche, chargé du développement international de Cairn Info, Thomas Parizeau, chef de produit, et Marc Minon, directeur de Cairn Info. Aujourd'hui, quelles sont vos activités précises à Cairn ? Alors effectivement, aujourd'hui, je m'occupe des relations avec les 1000 universités à peu près, avec lesquelles on travaille un peu dans le monde. Donc 1000 seulement. Uniquement, mais ça progresse chaque année. Compliment. C'est une des choses auxquelles on s'emploie. 1000 universités aujourd'hui dans une soixantaine de pays. Donc c'est pas un type de relation, c'est plusieurs types de relations, bien sûr, puisque à ces universités, par rapport à une ressource aussi spécialisée Cairn, les revues de sciences humaines et sociales et les ouvrages en sciences humaines et sociales ont une approche différente. Les universités françaises, qui ont été les premières, bien sûr, mais belges et suisses également, les universités donc francophones d'Europe ont été les premières à s'abonner, puisque notre modèle économique est fondé essentiellement sur des licences, des contrats qu'on passe avec les universités, qui permettent une utilisation collective des contenus qu'on propose dans ces universités. Elles ont été les premières, et c'est le premier travail que j'ai eu à mener chez Cairn, c'était effectivement, logiquement, le fait de systématiser autant que possible la présence de Cairn, l'usage de Cairn dans ces universités francophones d'Europe. Quels arguments vous avez utilisés ? C'était assez naturel dans le sens où, là, pour le coup, on a une proximité à tout niveau avec ces universités. Les auteurs qui travaillent dans ces universités sont très largement représentés sur Cairn. Certaines revues sont portées, ou en tout cas incubées, par certaines de ces universités. Donc là, on a une proximité très forte. Et assez naturellement, elles étaient elles-mêmes en attente d'une ressource qui leur permette de mettre en avant du contenu francophone, qui était très demandé, contenu de langue française, qui a aussi une proximité académique avec la façon dont les cursus étaient construits en France, en Suisse et en Belgique. Et ces revues s'inscrivent totalement, bien sûr, dans cette culture académique, qui a quand même un certain nombre de particularités et de spécificités en France, en Belgique, en Suisse, en opposition parfois, même si on essaie de ne pas forcément tout faire comme ça, en opposition mais aux revues anglo-saxonnes, qui non seulement imposent bien sûr une langue, qui est la langue véhiculaire maintenant de la science, mais imposent une culture académique qui n'est pas toujours celle des chercheurs et des lecteurs francophones. Puisque vous avez le langage clair et vous êtes un bon traducteur, détailler ce point précis au grand public, c'est quoi ces différences-là? Elles sont de quelle nature? Et ce qui, effectivement, amène à la question de savoir pourquoi défendre des publications de langue française, après tout. La langue anglaise permet au contenu de mieux circuler, après tout, ce qui est un débat qui revient à intervalles réguliers. Il nous semble, nous, que c'est très important, effectivement, c'est de défendre cette particularité académique dans les champs qui sont les nôtres, qu'on représente, les sciences humaines et sociales, puisque la vérité est moins facilement objectivable, pour peu qu'elle existe, dans des domaines qui sont les nôtres, la philosophie, même des sciences plus chiffrées, quantitatives, comme la sociologie, parfois l'histoire, ou même l'économie, et que tous ces champs sont traversés par des débats. Des positions, des théories, voire des chapelles. Certains de ces débats sont très anciens et ont fait l'objet de divisions à travers le monde, en disant aux États-Unis on a opté finalement, ou on a pris une distance très très forte avec une psychologie par exemple plus intellectuelle, ou a fortiori avec la psychanalyse ou avec des théories qui sont assez fortement développées en Europe. En France, c'est pas forcément le cas. On a une approche un peu plus distante avec aujourd'hui, par exemple, des neurosciences, une façon de prendre la question psychologique de façon très médicale, finalement. Et en France, on essaye de maintenir et de développer, pour peu que je parle en simple observateur, mais on essaye de développer une approche plus intellectuelle et de conserver en tout cas les bons aspects de ce que nous a appris l'étude de la psychologie humaine au moment où on n'avait pas des scanners et des éléments pour regarder les zones qui s'activent dans le cerveau. Donc la France a un certain nombre de positions à ce niveau-là. C'est vrai aussi en économie où des positions plus hétérodoxes, comme on dit, sont défendues, sont maintenues finalement dans des revues françaises, là où elles n'ont plus forcément droit de citer dans les grandes revues internationales qualifiantes. Donc ça, c'est vraiment très important, puisque et la position qu'on a n'est pas une défense linguistique en tant que telle, bien que s'exprimer dans sa propre langue, c'est aussi avoir la facilité et le droit finalement de bien traduire son propos, de bien traduire sa pensée, et de ne pas forcément de le faire dans la langue qu'on ne maîtrise pas totalement. Donc ça, c'est aussi un confort qu'on souhaite maintenir pour les auteurs français et pour les lecteurs aussi, les francophones. Avec aussi, effectivement, des positions en certaines disciplines où il est important de maintenir cette diversité dans la publication en sciences humaines et sociales. Exprimez-vous là, Thomas Parizeau, le point de vue français ou un point de vue francophone ? Alors, nous, on essaie vraiment et de plus en plus de se positionner comme acteur de la francophonie, donc de la langue française et non pas de la position académique spécifique française. Ce que je décris là, c'était plutôt le point de départ de Cairn. Il est trop bête de laisser une publication française qui a une longue tradition disparaître avec le numérique, donc il faut la retransposer dans ce monde numérique qui est en train de se construire. Aujourd'hui, on a beaucoup le débat, y compris pour des auteurs qui sont des auteurs francophones, mais qui ne sont pas basés en Europe, typiquement en Afrique, où on travaille de plus en plus. On parlait de 1000 universités avec lesquelles la petite équipe que j'anime essaie d'entretenir les relations. Aujourd'hui, à peu près 250 sont basés en Afrique. En Afrique du Nord, Algérie, Maroc, Tunisie, autant de pays où tous les universitaires accèdent à Cairn dans le cadre de licences nationales qu'on a signées là-bas. On essaie de le faire justement dans une double optique. L'idée de leur permettre d'accéder et de lire la production francophone, dans laquelle déjà beaucoup d'auteurs d'Afrique du Nord, comme je mentionnais, mais aussi d'Afrique subsaharienne, d'Afrique centrale, publient. Mais aussi de plus en plus d'essayer d'intégrer des publications qui sont issues de ces bassins, de ces pays, avec des cultures très différentes. On parlait du Maghreb, mais effectivement, la production scientifique au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, bon, a aussi une histoire, a aussi des approches, a certainement aussi des traditions académiques qu'on doit de plus en plus mieux comprendre pour essayer de les représenter. Et comme vous le disiez, effectivement, se faire un représentant un peu fidèle de la francophonie dans sa diversité. Je parle là de l'Afrique, mais on pourrait parler des Caraïbes, on pourrait parler, effectivement. On a un projet un peu cousin au Québec, et on a toujours essayé de travailler à notre domaine en bonne complémentarité avec les autres initiatives. Et donc, on est plutôt, le Québec est plutôt d'une certaine façon le territoire de cet autre projet cousin, qui s'appelle Érudit, pour le nommer. Mais en Afrique, en tout cas, on voit qu'il y a un énorme espace et un énorme besoin, puisqu'à mesure que justement les chercheurs, les enseignants, les étudiants accèdent de plus en plus massivement à la littérature scientifique francophone, l'appétence et l'envie de publier eux-mêmes leurs travaux, bien sûr, et la nécessité même pour eux de faire connaître aussi le fruit de leur travail, se pose de façon de plus en plus aiguë. Et on pense que Cairn a un rôle à jouer à ce niveau-là qui est important. On a affaire jusqu'à présent auprès de Cairn à un portail qui se lit. Y aurait-il Thomas Parizeau dans les cartons ou dans les esprits des uns et des autres à votre connaissance, et peut-être évidemment également dans le vôtre, sachant que vous êtes de l'aventure depuis une quinzaine d'années, donc vous avez eu le temps de maturer un certain nombre de projets, autre chose que de l'écrit? Alors c'est un projet, effectivement, on a toujours, nous, été plutôt dans une position de diffuseur d'un contenu existant. On a toujours fait attention, par exemple, à ne pas d'aucune façon transformer ou le projet initial qui était celui de l'auteur et de son éditeur là-dessus. Effectivement, avec les nouveaux médias potentiellement non écrits, on est à l'époque du transmédia, et effectivement aujourd'hui quand on navigue sur Internet, ce mélange d'expériences sonores, visuelles, textuelles, et qu'il n'y a aucune raison pour que intellectuellement, effectivement, la production en sciences humaines et sociales ne s'exprime que par l'écrit. Donc là, on a un défi supplémentaire qui est que la production existante n'est pas forcément évidente. Quoique, il faudrait qu'on investisse un petit peu plus ce qui existe dans le domaine peut-être du documentaire ou de la production audiovisuelle par certains médias plus ou moins spécialisés. Bon, donc effectivement, il y aurait peut-être une complémentarité à organiser, des liens, une façon de se signaler, de se diffuser. Donc ça, c'est un métier technique qui est aussi un peu le nôtre. Mais on a certainement aussi un rôle à jouer là-dessus pour justement aider cette nouvelle production intellectuelle, en sciences humaines, sous forme vidéo, sous forme sonore, à émerger et à se structurer avec des formats qui sont certainement encore à inventer là-dessus, en se rapprochant, nous, de gens qui ont une certaine expertise à ce niveau-là, parce que on a aussi conscience que notre rôle est de créer les conditions économiques, techniques de la faisabilité de ces projets. Notre rôle n'est pas forcément un rôle de créateur et d'être directement dans le contenu. Marc Minon, comment fait-on pour être bien référencé, puisque ça, je peux me permettre de le dire à votre place, comme ça vous ne serez pas du tout embarrassé ou accusé d'une quelconque immodestie. D'évidence, quand on fait de la recherche, je peux en parler de manière personnelle pour les émissions Histoire Vivante, il m'arrive bien souvent de chercher des thèmes, des sujets, avec deux, trois mots-clés, j'arrive très rapidement chez vous. Mais comment fait-on pour être bien référencé? Est-ce qu'on le choisit soi-même, ou comment ça se fait? Il y a différents éléments. Il y a, pour ce qui concerne Cairn, par exemple, le nombre d'utilisateurs qui entrent dans leur navigateur, cairn.info, pour arriver sur notre page d'accueil. Et puis, qu'ils choisissent la revue ou l'ouvrage de leur choix, par exemple, en utilisant notre moteur de recherche. Et puis, une fois qu'ils ont sélectionné la revue qu'ils intéressent, admettons Esprit ou Acte de la Recherche en sciences sociales, choisissent le numéro qui les intéresse, puis l'article qui les intéresse, hein, qui travaille comme ça par arborescence. En gros, la proportion des utilisateurs fonctionnant de cette façon est très faible. En gros, comment fonctionnent les utilisateurs? Ils repèrent sur des sites extérieurs, en premier lieu Google, mais bien sûr sur d'autres sites de plus ou moins professionnels ou spécialisés qui existent en la matière. Ils repèrent l'article qui les intéresse et puis ils basculent directement sur cet article. Et pour nous, il y a d'ailleurs un intérêt majeur, et puis je reviens à votre question, il y a un intérêt majeur à retenir ces utilisateurs, c'est-à-dire éviter qu'ils ne viennent consulter un seul article et puis s'en aller aussitôt. C'est ainsi notamment que, pour essayer de respecter le travail intellectuel propre à chaque numéro, on leur permet de naviguer. Je ne sais pas si vous avez fait attention à cela. Il y a un bouton qui permet de passer à l'article suivant du même numéro pour bien garder l'unicité, en fait, du travail du dossier. Il n'empêche, il faut effectivement, c'est un enjeu capital pour nous, puisque voilà, une grande part de nos utilisateurs proviennent d'outils extérieurs. Être bien référencé sur ces outils extérieurs. Il y a des règles en la matière, hein, des erreurs à ne pas commettre. Et puis, il est clair que plus le site est important, plus il génère de trafic, plus son référencement extérieur par d'autres sites est important, plus ça va créer une espèce de cercle vertueux, en fait, qui va permettre d'avoir de bénéficier de ce qu'on appelle un référencement naturel optimal. Erreur à ne pas commettre, qu'est-ce qu'il faut entendre? Par exemple, on a compris à un moment que si jamais les résumés d'articles étaient inférieurs à un certain nombre de caractères, ça pénalisait par exemple le référencement. Il fallait un minimum de précision. Exactement, ah, oui. Mais ça montre aussi, alors, ce point est d'une certaine façon extrêmement encourageant. Parce que ça permet à des projets qui, comme le nôtre, n'avaient pas un euro à consacrer en achat d'espace. En fait, vous n'avez jamais vu, je pense, une affiche, un spot télé, un spot radio, un encart dans un magazine. Peut-être dans un rêve, mais voilà. Je pense que c'était essentiellement nocturne. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que la plupart de nos utilisateurs viennent grâce à notre référencement naturel, soit sur Google, soit sur d'autres outils. Ça, c'est effectivement l'atout, l'avantage. Et puis le désavantage, c'est que ça expose, bien évidemment, un projet comme le nôtre, un tout projet comme le nôtre, au risque un jour de déréférencement si jamais on venait commettre des erreurs ou adopter des pratiques qui ne sont pas conformes à ce que souhaitent ces moteurs de recherche ou ces outils de découverte. Merci encore à toute l'équipe de Cairn d'avoir accueilli les micros d'Histoire Vivante pour cette première semaine de rentrée. Une fois encore, cette semaine était une invitation à aller y voir, à aller y lire, à aller découvrir. Demain, c'est avec un éditeur suisse en sciences humaines que nous avons rendez-vous, Michael Balavoine. Nous parlerons avec lui métier, portail, économie et avenir.